والصلاة والسلام على رسول الله. On continue inshallah la suite. Je relis le verset évoqué le Cheikh rahimahullah. Il a dit إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. Oui, votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en six jours. Puis, istawa ala le trône. On va expliquer. Il fait que la nuit excitée à poursuivre le jour le couvre, et le soleil et la lune et les étoiles sont sujets à ses ordres. N'est-ce pas à lui seul qu'appartient la création et le commandement? Béni soit-il, béni soit Allah, Seigneur de tous les mondes. Dans Surat 7, verset 54. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre en six jours pour des raisons que seul Allah connaît. S'il veut, c'est par kun fayakun. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. Quand on veut quelque chose, on le dit soit il est. Mais pour des raisons que seul Allah connaît, il a créé les cieux et la terre en six jours. Et les Juifs ont menti quand ils dirent qu'Allah s'est reposé le septième jour. On était, nous avons créé les cieux et la terre. Et ce qui existe entre eux en six jours sans éprouver la moindre lassitude. Donc, sans éprouver la moindre lassitude, c'est un attribut de négation. Donc, Allah n'est jamais touché par la lassitude, ni par le sommeil, ni par la somnolence, ni par ces attributs-là d'imperfection. Donc, ça, c'est le verset dans Sourate 50 et le verset 38. وَقُلْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خلق السماوات والأرض إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Donc il a créé les cieux et la terre en six jours. Et puis il y a le terme summa. Summa, ça veut dire quoi? Il y a une autre étape. Ça veut dire après avoir créé les cieux et la terre, istawa. Mais qu'est-ce que ça veut dire istawa? Qu'est-ce que ça veut dire istawa chez les Arabes? Istawa ala. Ala, c'est comment on appelle ça, préposition? D'accord. Donc, istawa, suivi de ala, veut dire irtafa, c'est élevé. Veut dire fa'ila, monter. Veut dire istakarra, c'est établi ou c'est installé. D'accord? Fa'ila ou istakarra ou irtafa, et il y a aussi ala. Donc, tous ces des termes qui se rapprochent, et qui évoque le ulou, l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ala, wa sta'ala, wa staqarra, wa sa'ida, ça c'est le sens de istawa ala en langue arabe pure. C'est ce qu'on a trouvé, c'est ce que les Arabes comprennent. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a révélé le Coran, il a transmis, le prophète s'en est transmis le message avec des paroles que eux ils comprennent. Ils le comprennent. Quand Allah il dit istawa ala al-arsh, eux ils comprennent que ça veut dire ala wa sa'ida wa rtafa'a wa istaqara, qu'il s'est établi, s'est élevé, etc. Comme dans les autres versets, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans quelle sourate déjà? Oui, sur Nuh alayhi salam, fa id istawaita anta wa man ma'aka ala al-fulk, dans sourate al-mu'minun. Et lorsque tu seras installé. Il parle à Nuh quand il a construit l'arche. Il a dit, quand tu fais l'istiwa ala l'arche, ça veut dire quoi? Tu t'es installé. Tu t'es installé. Et là, tout le monde est d'accord sur ça. Même les négationnistes, même ceux qui renient qu'Allah il est au-dessus du trône, tu lui donnes ce verset-là, les versets sur Nuh alayhi salam, ou sur dans surat Zukhruf, quand Allah il dit wal an'am, na'am, wal ladhi khalaqa al-azwaja kullaha, etc., il dit il a parlé de والأنعام ما تكمل لتستووا على ظهوره. لتستووا على ظهوره. Ça veut dire que vous montez sur les dos des montures, enfin, sur vos montures. Donc, istawa ala la monture, ça veut dire c'est installé sur la monture. Istawa ala l'arche, ça veut dire s'installer sur l'arche. Et là, tout le monde est d'accord. Personne ne peut renier, personne ne peut démentir le renier ce verset-là ou dire que Noé ne s'est pas installé sur l'arche. Et quelqu'un peut dire non, Noé ne s'est pas installé sur l'arche. Tout le monde est d'accord. Mais quand il s'agit d'Allah, ah, là, ils ont les ambiguïtés, ils ramènent la philosophie grecque, là. Ils ramènent leur bagage à eux. Subhanallah. Les Arabes connaissent ce sens-là. Ça veut dire s'est élevé, s'est installé, s'est monté ou s'est établi. Comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Comment? Notre règle, on en a déjà parlé. Sans biref, tahrif, wala ta'til, wala tamthil, wala takyif. D'accord? Sans négation, sans déformation, et sans assimilation, sans demander, et sans chercher le comment, ou sans recourir à des comparaisons. D'accord? Donc sans le comment, on ne sait pas. On ne connaît même pas notre âme. Comment il est ton âme? Comment il est l'âme de l'être humain? Il est à l'intérieur de nous, il ne la connaît pas. Et comment on va... Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas informé du comment. On dit, nous avons entendu, nous avons jugé que tout ce que tu nous va informer est véridique. Donc, dans la langue arabe, istawa ala, parce que le terme, la préposition ala, c'est elle qui joue un grand rôle, puisque les prépositions ont un grand rôle dans la langue arabe. Il y a une différence entre istawa ila et istawa tout court, parce que si on enlève ala, on dit istawa, ça veut dire égalité. Hein? Sawa, égalité. Mais quand on ajoute à istawa la préposition ala, ça ne veut dire que c'est élevé, monté, c'est installé, c'est établi. D'accord? Donc, il s'est établi. Quand il s'est établi? Quand il a créé les cieux et la terre. Donc, c'est un attribut de quoi? Un attribut de l'essence? Non. C'est un attribut, de l'acte. Hein? C'est pas fi'liya. C'est un acte d'Allah. Comme il veut. C'est pas comme la vie. C'est un attribut de l'essence. Allah a été toujours vivant. C'est pas comme l'ilm, la connaissance. Allah, il était toujours connaisseur. Une connaissance non précédée par l'ignorance et ne sera jamais touchée par l'oubli. Donc, c'est un attribut d'essence concernant la connaissance. Maintenant, istiwa, c'est un attribut de l'acte. C'est après avoir créé les cieux et la terre, et puis Allah, il dit, summa, qui fait mal aux innovateurs, ce summa, rien que ces deux lettres-là, elles font mal. Summa, istawa al-arsh. Donc, après ça, il s'est établi. Donc, c'est un acte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est un acte propre à lui. Il nous a informé de ça. Il a dit, voilà, je me suis établi sur mon trône. Comme il veut, subhanahu wa ta'ala. On n'a pas à imaginer, on n'a pas à dire le comment, on n'a pas cherché à recourir à des comparaisons. Al-istiwa'u, majhoul. L'istiwa'u ma'loum, wal-kaypu, majhoul. Istiwa il est connu, le sens de l'istiwa il est connu. Wal-kayf, le comment, on ne le connaît pas, Allah ne nous a pas informé. Wal-su'alu anhu, bid'a. Le fait de chercher, de recourir à chercher le comment Allah s'est établi, ça c'est une innovation parce que Allah ne nous a pas informé. Il ne nous a pas informé comment il s'est établi, subhanahu wa ta'ala. Par miséricorde, envers nous. Donc ça c'est l'istiwa. Ceux qui ont dit que istawa ça veut dire dominer, vous êtes d'accord avec moi que il y a I, S, T, on va le dire en français. I, S, T, A, W et A. D'accord? Eux au lieu de dire istawa, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rentré le lem. Il y a une anecdote, le lem aussi c'est en français, L, on dit aussi L. Ils ont rentré le L, comme ça. l'homme, ils ont rentré dans le mot. Istaoula. Ils ont dit Istaoula. Istawa, ça veut dire Istaoula. De toute façon, ils se basent sur un vers de poème qu'a chanté un chrétien, un kafir. Ils le prennent comme référence, comme quoi Istawa veut dire Istaoula. Et Istaoula, ça veut dire, je ne sais pas ce que... Est-ce que derrière le terme dominer, envahir, le fait d'envahir, il est précédé par un combat ou par un... Non ? Ça sous-entend ça ? En français, ça sous-entend aussi ? D'accord. En arabe, c'est clair. Istaoula, c'est après un combat. Et il y a une histoire à propos de ça. C'est qu'un imam, il a commencé à expliquer des versets comme ça qui parlent de l'Istaoula. Et il a dit, Istaoula, ça veut dire envoyer. Et il y a un débutant, un compagnon, il ne sait rien du tout. Il lui a dit, d'accord, il a dominé, il a envahi, mais à qui appartenait le trône avant qu'il l'envahisse ? C'est normal, c'est la raison. C'est pas. À qui appartenait ? Puisqu'il l'a envahi. Et pourquoi exactement le trône ? Pourquoi il n'a pas envahi les cieux, la terre et tout ? Pourquoi exactement le trône ? Ça, quand ils tombent dans des ambiguïtés, quand ils cherchent... Pourquoi ? Parce que leur grand-père, Aristote, a donné une définition et ils l'ont extrapolé sur le dogme religieux et ils sont tombés dans ce genre. On va pas aller loin dans ce sujet-là. De toute façon, il s'est élevé, subhanahu wa ta'ala, comme il veut. Comme il veut, sur son trône. La suite du verset, il s'est élevé sur le trône, il fait que la nuit excite à poursuivre, le jour le couvre, et le soleil et la lune et les étoiles sont sujets à ses ordres, n'est-ce pas à lui seul qu'appartient la création et le commandement, béni soit-il, ou béni soit Allah, Seigneur de tous les mondes. Donc, Allah nous a évoqué les signes, les signes qui prouvent qu'il est le Seigneur et qu'il est le seul qui doit être adoré. Et à la fin, il a dit, à lui appartient la création et l'ordre. D'accord ? Donc, et le commandement. Il dit, le Seigneur, Allah, c'est l'adorer. Donc, puisque c'est le Seigneur, le Créateur et tout, celui qui dirige l'univers, c'est lui qui doit être adoré, donc c'est lui l'adorer, c'est l'adorer. Et il dit, et il donne la preuve dans le Saint-Coran, dans le Coran, et il dit, « Ô être humain, adorez votre Seigneur qui vous a créé, ainsi que ceux qui vous ont précédé. » Ça c'est le verset dans Sourate Al-Baqara, « Ya ayyuhan nas, a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. » Il donne la preuve qu'on doit l'adorer. Donc c'est un verbe en impératif. « Ô être humain, adorez votre Seigneur. » Adorez votre Seigneur qui vous a créé, ainsi que ceux qui vous ont précédé. Peut-être serez-vous pieux. Pour vous, il fit de la terre une couche, et du ciel et une structure bien construite. Il fait tomber l'eau du ciel, par elle il fait sortir des fruits pour votre subsistance. Ainsi donc, ne donnez pas des ribots à Allah maintenant que vous savez. Donc il a dit au début de la sourate, du verset, adorez Allah qui vous a créé, vous ainsi que ceux qui vous ont précédé. Il a fait... il a fait la terre pour vous une couche où il a créé la terre pour vous, il a stabilisé pour vous et il a fait du ciel une structure bien construite et c'est lui qui fait tomber l'eau du ciel, ça veut dire des nuages et il fait sortir des fruits, etc. Et il dit après, ne donnez pas des ribots. فلا تتخذوا لله فلا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون. Donc ribot, égout, nid, regardez, nid, ça veut dire égal. Et quand on nid, et quand on lève le nun et on met le tab, ça devient dud, contraire. Donc dud, c'est le contraire. Et nid, l'égal, rival. D'accord? Nid, c'est rival. On ne doit pas donner à Allah des rivaux qui doivent l'égaler, soit dans la seigneurie, soit dans la connaissance de l'aïb, soit dans la législation, l'ordre religieux, soit dans le droit d'être adoré. On ne doit pas invoquer autre que lui, subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas lui donner des rivaux. Parce que ça, c'est shirk. La suite, il évoque, qu'est-ce qu'il a évoqué? Donc là, il a évoqué qu'on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on sait que le premier ordre, c'est Tawhid, et puis, Tawhid c'est la base, et puis, à partir de Tawhid, se ramifient les autres prescriptions. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا » Il ne leur a été recommandé que d'adorer Allah, en lui vouant un culte exclusif, en étant sincère dans cette adoration. Hunafa, on a expliqué ce que ça veut dire. Hanif, ça veut dire droit vers l'unicité et écarté du chef. D'accord? Hunafa. Wa yuqimun as-salat, et ils accomplissent la salat. Wa yu'tuna az-zakat, ils s'acquittent de la zakat, parce que du tawhid se ramifient les autres prescriptions. Nul n'est en droit d'être adoré, je ne dois pas obéir aux autres tawarij, aux autres rebelles, aux autres idoles. Je ne dois pas les aimer. Je dois m'allier avec les alliés d'Allah. Je dois aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois faire la salat. Je dois faire donner la zakat. Donc c'est des ramifications de tawhid. C'est la base. Daraballahu matalan, kalimatan tayyiba. Allah il a donné comme parabole une bonne parole. Kalimatan tayyiba. Kashajaratin tayyiba, comme un bel arbre. Asluha thabit, ils tiennent bien fermement par terre, il a des racines, wa far'uha fi as-sama', et ses branches vont vers le ciel. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha, il donne ses fruits chaque fois par la permission de son Seigneur. Donc tawhid, c'est une parole, c'est dire et agir. Fruits, il a parlé de fruits, parabole, les fruits du tawhid. Sinon, le tawhid ne se réduit pas à la prononciation et à la simple véridicité. Nul n'est en droit d'être adoré. Acte du cœur, l'amour, la crainte, la vénération, la volonté qui pousse à l'acte du corps. Donc, dire et agir. يقول ابن كثير قال ابن كثير الشيخ رحمه الله إلى يبكي لقول ابن كثير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة ابن كثير سي عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن عمر القرشي الدمشقي إلي دو دمس الحافظ grand savant de hadith aussi il est célèbre et le livre d'exégèse de son tafsir, il est très célèbre et il fait partie des élèves de Ibn Taymiyyah rahimahullah et il est mort en 774 l'année 774 de l'Hijra. Ça c'est Ibn Kathir. Il a dit Khaliq li hadhihi al-ashya, Khaliq, le créateur de toutes ces choses est le seul digne d'adoration. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد. Donc il a expliqué le verset. Donc ça montre aussi l'implication, l'unicité de Rububiyya, l'unicité tawhid de Rububiyya, il implique tawhid al-uluhiyya. L'unicité dans la création, dans la gérance, dans la royauté, il implique l'unicité de l'uluhiyya, ça veut dire l'unicité de l'adoration. Puisque lui le créateur, puisque lui qui administre tout, puisque lui qui dirige l'univers, puisque lui qui est le roi de l'univers, donc implication, c'est lui qui est en droit d'être adoré. C'est lui que j'adore. D'accord? Donc il y a une implication, c'est que le grand exégète Ibn Kathir rahimahullah a montré. Et là, il évoque, Cheikh rahimahullah, il évoque A'mal al-Ibadah. Il dit, parmi les différentes façons ou manières d'adoration prescrites par Allah, telles que l'islam, l'iman et l'ihsan, il y a entre autres l'invocation dans la prière, la peur, l'espérance, la confiance, l'aspiration, la crainte, la révérence, les autres actes. Donc il dit, parmi les différentes façons d'adoration prescrites par Allah, il y a l'islam. L'islam, il rentre. Parce que l'islam, il rentre dans les actes d'adoration. D'accord? Que tu témoignes, que tu pries, que tu jeûnes, que tu t'acquittes de l'aumône, sont des actes. Donc ce sont des actes qui font partie de l'adoration. Donc l'adoration, c'est un terme général. Hein? Et l'imam, c'est un degré plus haut, c'est un degré plus haut que l'islam. Et l'ihsan, c'est la foi parfaite. D'accord? c'est un degré plus haut que l'iman. D'accord? Donc ça, tout ça, l'iman, l'ihsan, l'islam, l'iman, l'ihsan, ils font partie de l'ibadat, ils font partie des adorations. Et plus en détail, il a donné Cheikh, rahimallah, il a parlé de l'invocation. D'accord? De l'invocation. Il a dit, l'invocation fait partie de l'adoration. Je ne veux pas détailler sur l'iman, parce qu'on va en parler, il y aura hadith de Jibril, et on va en parler, Inch'Allah, en détail. Donc, il a dit, entre autres, parmi ces adorations, il y a l'invocation. Il y a le dua. Il a commencé par dua, parce qu'à son époque, c'était, la majorité du cirque, c'était dans l'invocation des tombes, etc. Il a dit, l'invocation fait partie de l'adoration. D'accord? Il fait partie de l'adoration. Il fait partie de l'ibada. Donc, l'invocation, c'est l'une des plus importantes des adorations, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ad-du'a'u huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. C'est comme s'il y a l'égalité. Égalité entre l'invocation jusqu'au point où la salat on l'appelle invocation. Wa salli alayhi. Normalement en langue arabe, la salat ça veut dire dua, ça veut dire l'invocation. Et puisque la grande partie de la salat est formée de dua, ihdina as-sirat al-mustaqim. Parce que la fatiha c'est un dua. Il commence par la louange, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, maliki yawm al-din. C'est la règle du dua, qui loue Allah, qui montre ses noms et ses attributs, et après, tu fais une introduction, et après, tu invoques Allah. C'est comme quand on rentre chez un roi et tout, ou quand on lui écrit une lettre, on commence, on montre son grade et tout, au début, à la tête de la lettre, et en bas, on cherche du travail, on cherche quoi, on cherche quelque chose. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, ou le mathal al-a'la, en loudou, subhanahu wa ta'ala, par ses plus beaux noms et attributs, et après, on dit, guide-nous vers le droit chemin. D'accord. Donc la fatiha, il y a le dua. Dans ce jour, il y a le dua. D'accord. Donc, la salat, en langue arabe normalement, en langue arabe, veut dire dua, veut dire invocation. Comme dans le surat Toba, quand Allah dit, « Wasalli alayhim inna salataka sakanun lahum. » Wasalli alayhim, ça veut dire invoque Allah pour eux. Salli, regarde, salli qui est salat, veut dire dans ce verset, prie pour eux. Et non pas prier la prière avec les actes et tout. D'accord. Donc c'est ça l'importance de l'invocation dans l'adoration. Hadith il est connu, hadith l'imam Ahmad al-Tirmidhi de Na'man ibn Bashir, quand le prophète sallam était sur le manbar et qu'il a dit, Ad-du'a'u huwa al-ibada. Le du'a, l'invocation, c'est l'adoration, et il a récité le verset suivant, ud'ouni wa qala rabbukum ud'ouni astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Invoquez-moi que je vous exauce, ceux qui sont trop orgueilleux pour m'adorer, regardez, invoquez-moi que je vous exauce, ceux qui sont trop orgueilleux pour m'invoquer, pour m'adorer. Tellement c'est proche, l'adoration et l'invocation. Ceux qui sont orgueilleux pour m'adorer entreront prostrés dans la Géhenne. Jahannam, c'est un nom qu'Allah nous en préserve, c'est un nom de l'enfer. Ça, c'est dans Surat Ghafir, l'indulgent, le verset 60. Donc, celui qui invoque autre qu'Allah, dans ce que seul Allah peut faire, est tombé dans le shirk, il est tombé dans la mécréance. D'accord? Il a égalé l'autre de la tombe, ou la personne, ou la statue, ou n'importe qui, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est... Et le hadith, Cheikh Rahimallah, il l'a évoqué. Oui, il a mentionné le hadith, l'invocation est le cerveau ou l'essence même de l'adoration. Ad-du'a au mukhul ibadah. Le hadith de Na'man ibn Bashir, qui est rapporté par l'imam Ahmad et par Tirmidhi lui-même, il est plus authentique que celui-là. D'accord? L'invocation et le cerveau de l'adoration, c'est un hadith d'aïe. D'accord? Et l'invocation, c'est l'adoration, il est plus fort et c'est le hadith de Na'man ibn Bashir qu'on doit prendre en considération. Mais le sens est vrai. Ça veut dire le sens de la phrase est bon. Que l'invocation, il est vraiment le cerveau ou l'essence même de l'adoration. Donc l'invocation c'est une adoration pure, tout comme la salat, tout comme le pèlerinage, c'est parce que les adorations, on distingue deux sortes. Il y a des adorations qui sont purement des adorations, des actes qui sont, ou des paroles, qui sont purement des adorations, d'autres qui ne le sont que par l'intention. Il faut faire une différence. L'invocation, c'est une adoration pure. La salat, c'est une adoration pure. Mais le sommeil, le fait de manger, c'est une adoration. Et il n'est adoration que s'il est précédé par le bismillah, d'accord, et par le fait d'avoir une intention quand tu manges, c'est de renforcer ton corps dans l'adoration d'Allah et de remercier à la fin et d'être reconnaissant, dire Alhamdulillah à la fin, ou, d'accord. Donc ça, quand il est précédé par cette intention-là, il est considéré comme adoration. De même, le sommeil, quand il est précédé par l'adkar et tout, les invocations, et tout en faisant les ablutions, avant, précédé par les ablutions, c'est considéré comme une adoration. Donc ça, c'est un acte, mais si la personne il dort comme ça, sans invocation et tout, ce n'est pas une adoration. De même, s'il mange, il rentre comme ça, il prend un sandwich, comme ce qu'ils font dehors, il mange en courant, il a mis bismillah, ce n'est pas considéré comme adoration. Mais quand il s'assoura, il suit la sunna du prophète, il dit bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est considéré comme adoration. Donc il y a des actes, des paroles qui sont considérés, qui sont eux-mêmes des adorations. Et il y a d'autres qui ne le sont que par l'intention qui les précède. D'accord? Et c'est pour ça que tous les actes, normalement, c'est, quand Allah dit, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budu. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent, ça veut dire que tous leurs actes doivent être précédés par une bonne intention. S'il s'agit d'adoration pure, ben, il n'y a pas de problème. S'il s'agit des choses de la vie, l'achat, la vente, les négoces, le mariage et tout ça, il doit être précédé par une bonne intention, jusqu'à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi bud'i ahadikum sadaqa. Quand la personne fait le rapport sexuel avec sa femme, c'est considéré comme une ibada, comme sadaqa. Et sadaqa, ça fait partie des adorations. Jusqu'au point où les compagnons s'étonnèrent, ils ont dit comment la personne, il essaie de se sentir plaisir. Comment on peut dire du plaisir de la personne ou que c'est une adoration? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué, il a dit, voyez-vous que s'il dirige ce plaisir-là dans le haram, dans le zina ou l'ayad billah, est-ce qu'il sera châtié? Est-ce qu'il méritera le châtiment? Ils ont dit, certes, envoyé d'Allah. Oui. Il a dit, de même s'il le met dans le halal, c'est considéré comme une adoration. Ça, c'est le sens du hadith en gros. Je ne l'ai pas respecté textuellement. D'accord? Donc, tous les actes, finalement, s'ils sont précédés par une bonne intention, sont considérés comme des adorations. Et il dit, rahimallah, il a donné des livres. Il a donné des livres sur l'invocation. Et il a aussi, bon, là, il y a autre chose aussi très importante sur l'invocation. Pour renforcer ce que dit Cheikh Rahimallah, et le hadith du Prophète, quand il dit Ad-du'a'ahu al-ibada, pourquoi? Parce que c'est un du'a pur, et parce que là, on a dit que salat dans la langue arabe veut dire invocation, et parce que le serviteur d'Allah est convaincu, quand il invoque Allah, il y a beaucoup de choses là qui interviennent. Quand il invoque Allah, il est convaincu qu'Allah l'entend. Sinon, il ne va pas l'invoquer. Donc, il est convaincu qu'Allah entend son invocation. D'accord. Donc, conviction, qui dit conviction, dit acte du cœur. Donc, il y a l'adoration intérieure. Il y a l'acte du cœur. Donc, il y a la confirmation, la conviction. Même s'il l'invoque d'une invocation secrète, même s'il est dans les ténèbres, même s'il est chez lui, renfermé chez lui, il sait qu'Allah l'entend. Il y a cette conviction. Donc, acte du cœur. Il y a autre chose. Il y a qu'il est convaincu qu'il connaît sa situation. Maintenant, Samir, Alim, il entend, il connaît sa situation. Il connaît sa situation. Et qu'il le voit, subhanahu wa ta'ala. Donc, quand il invoque, il sait qu'il entend. Il est convaincu qu'Allah l'entend. Il est convaincu qu'Allah le voit. et qu'il connaît sa situation. Et il y a autre chose, il est convaincu, il est convaincu qu'Allah connaît ce qu'il veut. Donc, il sait ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Sans qu'il détaille son invocation publiquement, ou sans qu'il la prononce. Avant qu'il ne la prononce, il a une conviction qu'Allah sait ce qu'il y a dans son cœur. Il sait ce qu'il veut. Des fois même s'il n'arrive pas à formuler son invocation comme il faut, Allah, il sait ce qu'il y a dans son cœur. Il y a aussi, il est convaincu qu'il peut lui enlever le mal dont il souffre et le délivrer ou de lui apporter ce qu'il veut. D'accord ? Il est convaincu de ça. Et il y a aussi l'humilité, une certaine humilité du serviteur d'Allah. Et il y a aussi l'insistance. D'accord ? Donc, ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. Hein? Invoquez votre Seigneur en toute humilité et en toute discrétion. Donc, il y a tous ces actes du cœur, la conviction, la connaissance, il y a cette vénération, il y a la parole exprimée avec la langue. Donc, c'est pour ça que l'invocation est très importante. Et c'est pour ça que qu'Allah est allé jusqu'à dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. Dans sourate Yunus. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Allah s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'invocation d'autre avec Allah, c'est un acte grave, c'est un acte d'association et de mécréance. إِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ, quand il dit, et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Injuste, dans ce verset, le terme zalimine, ça veut dire associateur, ça veut dire shirk. Comme dit Luqman, dans surat Luqman, يَبُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Quand Luqman, il exhortait son fils, il dit, oh mon fils, ne donne pas des associés à Allah, si tu donnes des associés, le fait de donner des associés à Allah, c'est une injustice énorme. Une injustice énorme. Donc, ce verset est expliqué par l'injustice dans ce verset-là, il est expliqué par l'association dans le verset de Sourate Luqman. Dans une autre hadith, le Cheikh Rahimahullah, il a dit que les associateurs de notre époque sont plus graves, sont pires que les associateurs de la première jahiliya, des gens qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ceux qu'a affronté, les mécréants qu'a affronté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les premiers associateurs, ils adorent avec Allah des idoles, les walis, les anges, etc. Ça, il a évoqué dans une autre risale qui s'appelle Kishk Shubuhat, le dévoilement, si vous voulez, des ambiguïtés. Une autre des salats très, très, très intéressante. Il a dit, les associateurs de notre époque sont pires. Parce que ceux que le prophète a confronté, ils invoquaient les idoles, ils invoquaient l'As, l'Uzza, l'Hubal, l'Khulasa et Manat, les autres temples, quand ils sont dans l'aisance. Mais quand ils sont dans des situations graves, ils s'adressent directement à Allah. Ils invoquent Allah directement. Et il a donné la preuve. Il a donné beaucoup de preuves dans le Coran. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans surat 17, 67. Il dit, et quand le mal vous touche en mer, ce que vous invoquiez en dehors de lui se perd. Dans une autre façon de traduire, ce que hors lui vous invoquez s'égare. Et il ne reste que lui. Et quand il vous sauve et vous ramène à terre, vous vous détournez, l'homme reste très ingrat. Quand ils sont dans un bateau et tout, et quand le bateau va faire naufrage, ils s'adressent directement à Allah, les associateurs de la première époque. Qu'a confronté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Allah les ramène à la terre ferme, là, ils oublient. et ils invoquent leur les autres divinités. Mais de notre époque, dans les situations critiques, ils invoquent autre qu'Allah. Dans les situations critiques, quand il y a eu le tremblement de terre en Égypte, les maisons ils s'écroulent. Tu sais où, subhanallah, vous savez où ils sont allés? La tombe de Sidi Zeynep, Cheikh al-Badawi, ils ont couru vers cette tombe-là. Ils tremblent devant cette tombe-là pour qu'ils les sauvent de ce tremblement de terre. Pire que les associateurs de la première époque. Subhanallah, donc, si elles sont critiques comme ça, ils courent leurs idoles. Et ils donnent Dalil, sur l'invocation. De toute façon, les preuves sont nombreuses. Voici l'évidence qui vient dans le Saint-Coran. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui refusent par orgueil de m'adorer entreront bientôt en enfer avec humiliation. C'est le verset qu'on a évoqué au Qalam. Pourquoi me donnez-vous أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين dans l'autre aussi ça parlant de dua parlant de l'invocation maintenant Cheikh Rahimallah il commence à évoquer les actes du cœur et il a la peur, il a évoqué la peur, le khawf, le raja, le khashya, l'inaba, le raghba, le rahba, tous ces actes du cœur. Et on va discuter, inshallah, après, on va parler pourquoi il a évoqué les actes du cœur. Pourquoi il a parlé de la crainte, de la vénération, pourquoi il a dit la peur fait partie de l'ibad, la peur fait partie de l'adoration, la crainte fait partie de l'adoration, la vénération fait partie de l'adoration. On va expliquer pourquoi, pour répondre à les sectes qui l'ont combattu à son époque, pour leur répondre. Et parce qu'ils ont, certains ont mal compris la peur, ont mal compris la khashya, la crainte, ont mal compris la vénération, ont mal compris l'yakin, la conviction, la certitude, ont mal compris ces actes du cœur-là. Et aussi pour répondre à d'autres qui ont nié carrément la crainte, l'amour, la vénération, et qui ont réduit la foi à la seule véridicité, au seul tasdir. D'accord. Donc il répond aux deux extrêmes. Des innovateurs de son époque et qui... Donc ça, il a parlé de ses actes du cœur. Il dit « wal khawf min al-ibada ». Mais avant, est-ce qu'il a parlé d'un autre acte? Avant de parler de la peur, avant de dire « wal khawf min al-ibada », la peur fait partie de l'adoration. Le premier acte du cœur dont il a parlé, il a dit quoi? Au début de la sira, au début de la risala, il a parlé de l'amour. Il a parlé de l'amour. Il a parlé de l'wala ou l'bara, de l'alliance, de professer la confession de l'wala, l'alliance avec les alliés d'Allah, les aimés, et l'hostilité, exprimer l'hostilité contre les mécréants et les ennemis d'Allah. Donc il a parlé de l'amour. Et il a évoqué le verset « La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadda Allah wa rasoula » Tu ne trouveras jamais des gens qui croient en Allah le jour du jugement dernier se lier d'amitié avec ceux qui dénient Allah et son messager. Il a dit au début « Celui donc qui obéit au prophète, pratique le monothéisme et croit en un seul et unique Dieu ne doit jamais se soumettre ni lier amitié avec le prophète. » Donc il a commencé par le premier acte du cœur, c'est l'amour. D'accord? Il a commencé par l'amour parce que l'amour, c'est le pilier du tawhid. Rokn al-uluhiya, mahabba. L'amour. Ibrahim alayhi salam, khalil. Et le khulla, c'est le sommet, c'est l'un des hauts degrés de l'amour. Donc il a évoqué l'amour. Et il a évoqué l'alliance et le désaveu. Il a dit, celui qui obéit à Allah, celui qui pratique le monothéisme ne doit pas se lier d'amitié avec les ennemis d'Allah, avec les dénégateurs et tout. Il a expliqué cet amour-là, il a donné le dalil dans surat al-Mujadala, que l'amour d'Allah, il exige qu'on s'allie avec lui, qu'on l'aime et qu'on aime ses alliés et qu'on... les prophètes, et le prophète en prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, les autres prophètes, les compagnons, d'accord, les compagnons et les autres, les meilleurs qui sont des trois premiers siècles, etc., etc., les alliés d'Allah. Donc l'amour, tu aimes les alliés d'Allah et tu haïs et tu détestes et tu exprimes clairement la haine et l'inimité contre les ennemis d'Allah. Donc le wala ou le bara. Donc l'amour, il exige qu'on suive le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. Comme Allah est dit dans surat Al-Imran. Donc il exige qu'on suive la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le suit extérieurement et intérieurement. Premièrement, la deuxième, c'est s'allier avec les alliés d'Allah et montrer l'hostilité envers les ennemis d'Allah. D'accord? Donc ça c'est le wala al-bara, et non pas comme il a évoqué cet amour-là, il l'a éclairci pour répondre aux soufis qui étaient à son époque. Aux soufis qui étaient à son époque. C'est la déviation dans l'amour d'Allah qui a causé les plus grandes les chutes des empires et tout, le fait de s'allier avec les ennemis d'Allah, le fait de les faire venir chez soi, le fait de les aider et tout, c'est ça qui a cassé durant toute l'histoire. Comment l'empire abbasside est tombé, comment sont rentrés les Tatars, comment c'est à cause de ça. Ils ont fait rentrer les Juifs et les chrétiens et les ennemis d'Allah dans les postes qui sont élevé et tout, et parce qu'il y avait des hommes, des imams qui prêchent ce genre d'amour, l'amour qui dit amour de toutes les créatures. Il faut aimer toutes les créatures. L'amour soufi. L'amour de toutes les créatures. Il n'y a pas aimer et détester. Non. Lui, il dit, ils ont transformé ça, enfin, ils ont changé un peu parce que c'est prévoyant de dire aimer toutes les créatures. Les créatures, ils ont dit, faut avoir rahma. Mais le sens et la base soufi, la graine soufi, il est toujours là. Donc ils ont dit aimer toutes les créatures. Et quand on aime toutes les créatures, on va aimer Iblis au Pharaon, on va aimer les ennemis d'Allah, on les laissera entrer chez nous, et jusqu'à ce qu'ils nous cassent notre pays, jusqu'à ce qu'ils touchent à notre honneur, à nos biens et tout. Il y avait beaucoup d'exemples de ça. Il y a comme une personne qu'il défend, comme Ibn al-Farid, Ibn Arabi, Muhyiddin Ibn Arabi. Comment il explique l'amour? Je vais vous donner des vers de poème. Il dit, وَقَدْ كُنْتُ قَبْلَ الْيَوْمِ أُنْكِرُ صَاحِبِي إِذَا لَمْ يَكُنْ دِينِي إِلَى دِينِهِ دَانِ. Avant, je faisais beaucoup de reproches à mon compagnon parce que il confessait, il ne confessait pas la même religion que la mienne. Ça c'est, j'explique les vers de poème. Et il dit, فَأَصْبَحَ قَلْبِي قَابِلًا كُلَّ حَالَةٍ. Maintenant mon cœur, tellement il a l'amour, qu'il accepte toute situation. D'accord? Toute situation. فَمَرْعًا لِغُزْلَانٍ وَدِيرٌ لِرَهْبَانٍ. Une prairie où pètent les gazelles, ou une maison, ou une bâtisse, où sont les rabbins. Ça veut dire, je vais aimer tout le monde. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par mar'al li ghuzlan. De toute façon, je l'explique comme textuellement. Mar'al, c'est un endroit, une prairie, où mangent ou broutent les gazelles. Est-ce que c'est le sens propre, le sens figuré, la al? Wa dirun li ruhbani, il dit maison pour les rabbins. Wa baytun li awthani, un temple où se trouvent les idoles. Wa ka'batu ta'ifi, la ka'ba, où tourne autour le ta'if, le pèlerin. Wa alwahu tawratin, et les tablettes où sont écrits la Torah. Wa mushafu qur'ani, et les feuilles du Coran. Adinu bidin al-hubbi ayna tawajjahat raka'ibuhu. Je prêche, je te confesse la religion de l'amour là où il m'emmène. Et l'amour, c'est ma religion et ma foi. Quelqu'un qui prêche, quelqu'un qui confesse ce genre de dogme, il aime les adorateurs d'idoles, il a les rabbins, il aime toutes les sortes de tous les autres religieux, quoi. Amour. C'est un amour, ça. C'est un amour. C'est un amour. Mais ce n'est pas l'amour que veut Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas l'amour que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce genre de dogme qu'on prêche et tout, ça fait dévier toute la communauté et ça la casse et ça la détruit. Ça l'use et ça le détruit, ce genre de dogme. Quand ils comprennent mal l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que dans ses livres, que sont très calmes, et dans beaucoup de ses livres, les soufis qui ont vécu, les grands soufis, et même Abu Hamid al-Ghazali qui a été touché aussi par ce genre de soufisme, c'était en 400, la rentrée des croisés, c'était quand? C'était 492 de l'Égypte. Il dit lui-même dans son livre, je sais pas si j'ai la page, il dit lui-même qu'il s'est retranché.